Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. Le journal népalais Alfan, les homepages d'Internet de l'Association des journalistes népalais, de l'Association des journalistes népalais d'études des études jetées et de la politique de Sungun, de l'Institut d'amitié et culturelle péruvien coréen, ont présenté la nouvelle de la réussite au lancement d'essais de l'engin balistique et du sous-marin stratégique en plongée sous la direction du camarade Kim Jong-un. En Russie, la radio Sputnik, l'agence de presse d'Internet Primorsky Reporter, les homepages d'Internet de l'Institut du Kimilsonisme Kim Jong-unisme et du groupe pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, le homepage d'Internet Klassovaya Boliva, ont reproduit que le maréchal Kim Jong-un a prononcé un discours de valeur de programme à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a fait part avec cette nouvelle de la soirée au flambeau des jeunes avant-garde consacrée à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung en présence du maréchal. La radio Sputnik, les homepages d'Internet de l'Institut du Kimilsonisme Kim Jong-unisme et du groupe pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et le homepage d'Internet Klassovaya Boliva de Russie, le réseau de la Chine, le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont présenté qu'il s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse japonaise Kyodo, les radios nationales, internationales et en sept langues nationales de Guinée, le homepage d'Internet allemand ont rapporté que le maréchal s'est fait photographier en souvenir avec ceux qui ont contribué à la réussite au lancement d'essais de l'engin balistique du sous-marin stratégique en plongée. Le journal brésilien Patria Latina, les homepages d'Internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de l'Association d'amitié Baek-Tusan Tchèque-Corée, ont informé de son inspection des exercices de lancement de fusées balistiques, des troupes d'artillerie façon, des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Les mass-médias ont exposé les photos du maréchal Kim Jong-un.